Chapitre 2e. Nouvelle-Orléans, Créole et Carteron, voyage au-delà du Mississippi. En touchant pour la première fois le sol d'une nouvelle terre, d'un nouveau continent et d'un nouveau monde, il nous est impossible de ne pas éprouver un grand enthousiasme et un profond intérêt pour tous les objets que nous rencontrons. La Nouvelle-Orléans offre peu de choses qui puissent plaire au goût, mais il s'y trouve beaucoup de nouveautés pour un Européen fraîchement débarqué. La multitude de Noirs qui circulent dans les rues, car ce sont eux qui sont chargés de tout le travail, la grâce et la beauté des élégantes carteronnes, les groupes de sauvages indiens au regard féroce qu'on rencontre de temps en temps, l'aspect enchanteur de la végétation et celui d'un fleuve immense aux eaux troubles, ses rivages bas et marécageux, tout concourt à procurer cette espèce d'amusement que donne la contemplation d'objets qu'on n'a jamais vus. La Nouvelle-Orléans ressemble à une ville de province de France. Elle est en effet une ancienne colonie française conquise sur les Espagnols. Les noms des rues sont français, et l'on y parle également le français et l'anglais. Le marché est beau et bien approvisionné. Tous les produits du pays y sont conduits par eau. Nous fûmes ravis du champ par lequel les bateliers nègres régularisent et charment leurs travaux sur la rivière. Ce chant est composé de peu de notes, mais il est doux et harmonieux, et la voix des nègres est presque toujours puissante et sonore. Les heures les plus agréables que je passai à la Nouvelle-Orléans furent celles où j'explorais la forêt qui est près de la ville avec mes enfants. Ce fut notre première promenade dans les forêts éternelles du Nouveau Monde. Nos pensées prirent tout à coup une teinte poétique. Les arbres sont en général trop rapprochés pour être gros et de belle venue, et leur crue est souvent arrêtée par une plante parasite pour laquelle je n'ai pu apprendre d'autre nom que celui de mousse espagnole. Elle pend gracieusement aux branches, donnant ainsi à tous les arbres auxquels elle s'attache l'air de sol pleureur. La principale beauté des forêts de ce pays est une espèce de petit palmier qui est la plante la plus richement colorée et la plus gracieuse que je connaisse. Le pawpaw est aussi un bel arbrisseau qui se trouve en grande abondance. Nous vîmes là, pour la première fois, la vigne sauvage que nous retrouvâmes plus tard en profusion dans toutes les parties de l'Amérique, ce qui, naturellement, nous fit naître la pensée que les natifs du pays devraient ajouter le vin aux nombreuses productions de leur sol fertile. Les festons pendant qu'elle produit font de solides balançoires dont plusieurs personnes de notre société firent l'essai, en dépit des inspirations poétiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Quoique l'hiver fût au milieu de son cours, lors de notre dernier séjour à la Nouvelle-Orléans, la chaleur était plus qu'agréable, et les attaques des moustiques devenaient insupportables. Cependant, je soupçonne que nous leur aurions pardonné pendant un certain temps, en faveur des oranges, des petits pois et du poivre rouge, que la même chaleur faisait croître à Noël en pleine terre. Dans une de nos courses, nous hasardâmes d'entrer dans un jardin dont la haie d'oranger attirait notre attention. Là, nous vîmes des petits pois en parfaite maturité et un petit champ de poivre rouge qui mûrissait au soleil. Une jeune négresse était occupée sur le pas de la porte. Sa qualité d'esclave captiva tout notre intérêt. C'était la première esclave à laquelle nous parlions, et chacun de nous ne croyait pas pouvoir lui adresser la parole avec assez de douceur. Elle pensait peu, pauvre fille, à la profonde sympathie que nous éprouvions pour elle. Elle nous répondit avec politesse et gaieté, et elle parut s'amuser de l'attention avec laquelle nous examinions le poivre rouge. Elle nous en donna plusieurs cosses, et je craignis qu'une maîtresse sévère ne l'en blâmât. Comme l'inexpérience nous rend enfants, et comme nous sommes ignorants sur la plupart des sujets sur lesquels nous ne pouvons nous instruire que par ouï-dire. Je quittai l'Angleterre avec des sentiments si opposés à l'esclavage que ce ne fut pas sans une émotion pénible que je me trouvais entouré d'esclaves. À l'aspect de tous les Noirs, hommes, femmes ou enfants qui passaient près de moi, mon imagination créait un petit roman bien triste dont ils étaient les héros. Depuis que je suis plus instruite sur ce sujet, et que je connais mieux la situation réelle des esclaves en Amérique, j'ai souvent ri de ma sensibilité. La première preuve que j'eus de l'égalité américaine fut ma présentation en forme à une marchande de mode. Ce ne fut pas dans un hôtel ou sous la dénomination insignifiante de Miss C, ni dans la rue sous le voile d'une toilette élégante, mais dans le sanctuaire même de son temple. Elle était debout derrière son comptoir, donnant ses lois aux rubans et aux laitons, et mettant au jour des bonnets et des chapeaux. C'était une Anglaise. On me dit qu'elle possédait beaucoup d'instruction et d'esprit, et je crois réellement qu'on ne se trompait pas. Ses manières étaient aisées et gracieuses, et sa tournure avait quelque chose de français. L'amabilité avec laquelle ses beaux yeux et sa voix douce dirigeaient une jeune esclave inspirait une douce émotion. La manière dont elle mêlait sa conversation française avec ses pratiques sur les modes et sa conversation anglaise et métaphysique avec ses amis avait un air de gracieuse indifférence qui lui donnait une supériorité réelle. Je la trouvais avec la fille d'un juge renommé, me dit-on, par ses connaissances profondes en jurisprudence et ses talents littéraires, et l'on m'assura, en différents endroits, lorsque j'eus quitté la Nouvelle-Orléans, que la société de cette dame était appréciée par des personnes de tout rang. Cependant, si, en voyageuse prompte à juger, j'allais inférer comme particularité nationale ou coutume républicaine que les marchands de mode donnent le ton dans la meilleure société, je ne dirais point une chose exacte. Je ne me rappelle pas qu'un semblable incident se soit présenté de nouveau pendant mon séjour en Amérique. Ce souvenir est un exemple, au milieu de mille, des impressions que produit chaque circonstance lorsqu'on arrive dans un pays nouveau, et de la propension irrésistible qu'on éprouve à classer chaque chose, quelque accidentelle qu'elle soit, comme étant un principe national et particulier au pays. D'un autre côté, cependant, il est certain que si de semblables anomalies sont rares en Amérique, elles sont presque impossibles partout ailleurs. Dans la boutique de Miss C., je fus présenté à un monsieur McClure, vénérable personnage dont les manières étaient celles d'un homme distingué. Dans le cours de 5 minutes, il nous fit entendre plusieurs axiomes semblables à ceux-ci. L'ignorance est notre seul ennemi. L'homme fait sa propre destinée, etc., etc. Il était de la nouvelle école d'harmonie, ou plutôt, la nouvelle école d'harmonie était de lui. C'était un homme riche, écossais à ce qu'il me semble, qui, après avoir vécu gaiement dans sa jeunesse, avait conçu de hautes pensées, dans le genre de celle de Lycurgue qui ordonnait de fouetter les petits spartiates. Il se détermina à répandre ses bienfaits sur l'espèce humaine et à s'immortaliser lui-même en fondant une école philosophique. Ce vénérable philosophe, comme tous ceux de son école, dont je n'ai jamais entendu parler, trouvait plus facile d'imaginer des systèmes parfaits que d'avoir la patience de les mettre en pratique. Sa fortune lui servit à faire transporter dans des pays déserts une collection de bons livres et d'instruments scientifiques. Mais ne trouvant pas parmi les hommes un individu dont les vues fussent aussi libérales que les siennes, il choisit une femme pour mettre en action la machine qu'il avait organisée. Comme ses liaisons avec cette dame dataient de loin et qu'elles avaient été, dit-on, fort intimes, il avait l'assurance qu'elle ne violerait en rien les règles qu'il avait imposées. Ils devaient agir l'un et l'autre comme s'ils n'eussent fait qu'un, lui remplissant les fonctions de l'âme et dirigeant par sa volonté, elle les fonctions du corps et remplissant tout ce que l'âme devait ordonner. M. McClure ayant pourvu libéralement aux premiers frais de l'institution, il fut convenu que les dépenses de l'entretien seraient couvertes par les profits provenant des travaux des élèves, petits garçons ou petites filles, qu'ils devaient accomplir à différents instants du jour, dans l'intervalle de leurs études et de leurs recherches scientifiques. Mais malheureusement, l'âme du système trouva le climat des Indes occidentales incompatible avec la régularisation de ce système et prit son vol pour le Mexique, laissant le corps agir de la manière qui lui conviendrait le mieux. Et ce corps étant un corps français, ne trouva aucune difficulté de se mettre activement à l'ouvrage, sans s'inquiéter de ce que l'âme était devenue. S'apercevant bientôt que plus une machine était simple, plus les opérations n'étaient parfaites, cette femme mit de côté tout ce qui avait rapport à la partie intellectuelle de l'affaire et se tira d'embarras comme le corps le plus adroit peut le faire en s'enrichissant à l'aide des bras des élèves qu'elle avait réunis. Lorsque j'entendis parler pour la dernière fois de cet établissement philosophique, la Française et un neveu qu'elle s'était associé recueillaient une moisson d'or, car beaucoup d'enfants leur avaient été envoyés de loin par des parents pauvres pour recevoir une éducation gratuite et ne possédaient aucun moyen de quitter l'établissement. Notre court séjour à la Nouvelle-Orléans ne nous permit pas de nous faire présenter dans le monde, mais j'appris qu'on y trouvait deux sociétés bien distinctes, célèbres chacune dans son genre, par des réunions et des fêtes élégantes. La première est composée de familles créoles. Les chefs sont principalement des planteurs et des marchands. Ils se voient entre eux, vivent entre eux. C'est la véritable aristocratie. Chacun de leurs bals est un petit almac, et toutes les belles dames de cette société sont aussi positives dans leurs principes qu'une duchesse de l'ancien monde. La seconde se compose des carterons et des hommes de la première classe, qui sont exclus des premières places par le seul soupçon d'être souillés par le sang nègre, même au degré le plus éloigné. De tous les préjugés dont j'ai été témoin, c'est celui qui me semble le plus invétéré et le plus violent. Les jeunes Carteronnes, filles reconnues de riches Américains ou créoles, élevées avec tout le luxe que l'argent procure à la Nouvelle-Orléans, et avec tous les soins que l'affection peut donner, sont parfaitement belles, gracieuses, douces et aimables. Cependant, elles ne sont pas admises, et ne pourraient l'être sous aucun rapport dans les familles des créoles de la Louisiane. Elles ne peuvent se marier, c'est-à-dire qu'aucune cérémonie ne peut rendre une union légale à leur égard. Cependant aussi, tel est le puissant ascendant de leur grâce, de leur beauté et de la douceur de leur manière, qu'elles sont toujours choisies pour objet d'affection. Si les dames créoles ont le privilège d'exclure leurs rivales, les charmantes Carteronnes s'en vengent par le don dangereux qu'elles possèdent d'attirer tous les cœurs. On dit que les unions formées dans cette race malheureuse sont souvent durables et fortunées, autant que des unions peuvent l'être lorsqu'une espèce de déshonneur y est attachée. Il y a un théâtre français et un théâtre anglais à la Nouvelle-Orléans. Mais nous étions trop nouvellement arrivés d'Europe pour nous intéresser à l'un ou à l'autre, ni même à aucun des plaisirs de la ville. Bientôt, nous désirâmes avec ardeur de commencer notre voyage sur le Mississippi. Miss Wright, moins connue qu'elle ne l'est aujourd'hui, bien qu'elle fût déjà l'auteur de plus d'un volume remarquable, avait été notre compagne de voyage depuis l'Europe, et j'avais le dessein de passer quelques mois avec elle et sa sœur dans le domaine qu'elle avait acheté dans le Tennessee. Cette demoiselle, qui est devenue si célèbre depuis par des opinions qui font frissonner les uns et que tant d'autres admirent, était occupée, lorsque je quittais l'Angleterre avec elle, d'un projet bien différent que celui qu'elle a suivi depuis. Au lieu d'être un orateur public dans chaque ville des États-Unis, elle allait s'enterrer dans les profondeurs des forêts du Nouveau Monde, afin que sa fortune, son temps et ses talents fussent exclusivement consacrés à la cause des malheureux nègres. Son premier objet était de prouver que la nature n'avait fait aucune différence entre les noirs et les blancs, à l'exception de la couleur. Et elle espérait en convaincre en donnant une éducation semblable à des enfants de ces deux castes. Elle pensait que si ce fait pouvait être une fois parfaitement établi, la cause des nègres poserait sur un terrain plus solide et que la dégradation dont on les accable parmi les nations civilisées paraîtrait une grossière injustice. Cette question entre l'égalité et l'inégalité de la race des nègres et de la nôtre est une question d'un grand intérêt et n'a pas encore été discuté avec succès. J'espérais pour mes enfants et pour moi autant de plaisir que d'instruction à visiter son établissement et à surveiller les progrès de son expérience. Les nombreux bateaux à vapeur qui sont les diligences et les vélocifères de ce pays de lacs et de rivières ne ressemblent aucunement à ceux que j'ai vus en Europe et leur sont de beaucoup supérieurs. La construction à laquelle ils ressemblent le plus à l'extérieur, c'est au bain Vigier de Paris. La chambre à laquelle appartient un double rang de croisées est un bel appartement. Devant chaque fenêtre est un joli petit hamac, arrangé de manière à donner à ses draperies l'air d'un rideau de croisées. Cette chambre est appelée la chambre des messieurs, et ces derniers défendent assez impoliment leurs droits exclusifs. On y sert le déjeuner, le dîner et le souper, et les dames ont la permission d'y prendre leur repas. Le 1er janvier 1828, nous nous embarquâmes à bord du Belvédère, grand et beau bâtiment, bien qu'il ne fût pas le plus grand et le plus beau de ceux qu'on voyait le long des quais. Mais il devait s'arrêter à Memphis, le point le plus proche de la résidence de Miss Wright, et c'était le premier qui partit lorsque nous eûmes terminé avec la douane. Nous trouvâmes la chambre destinée aux dames assez triste, car ses seules fenêtres étaient sur les galeries de l'arrière. Mais l'une et l'autre étaient élégamment meublées. Cette dernière même avait un tapis, mais quel tapis! Je ne veux pas, je ne puis pas décrire l'état dans lequel il se trouvait. Il faudrait la plume d'un Swift pour lui rendre justice. Que tous ceux qui désirent recevoir une impression favorable des manières américaines ne commencent pas leur voyage dans un bateau à vapeur du Mississippi. Pour ma part, je déclare avec sincérité que j'aimerais mieux partager le toit d'une troupe de cochons bien soignés que d'être enfermé dans une de ces cabanes. Je ne connais aucun ennui aussi répugnant pour des Anglais que la continuelle expectoration des Américains. Je sens que je dois des excuses à mes lecteurs pour l'usage répété que je suis obligé de faire de ce vilain mot et de plusieurs autres. Mais je ne puis l'éviter lorsque je veux faire une description fidèle. Il est possible que le mot d'Américain dont je me sers soit trop générique. Les États-Unis forment un continent de nations presque distinctes, et l'on doit comprendre, maintenant et toujours, que je ne parle que de ce que j'ai vu. En conversant avec des Américains, lorsque je parlais d'habitude que je regardais comme grossière, ils m'assuraient toujours qu'elles étaient locales et non générales. Une particularité accidentelle, et nullement un échantillon des manières nationales. C'est parce que vous connaissez peu de choses de l'Amérique. Voilà une phrase que j'ai entendue mille fois, et presque dans tous les lieux que j'ai parcourus. Cela peut être, et ayant fait cette concession, je proteste contre l'accusation d'injustice en racontant ce que j'ai vu.